Herein veut dire vers ici, à l'intérieur. Que peut signifier heraus? À l'extérieur? Oui, heraus, c'est dehors, à l'extérieur. Mais il faut faire la distinction entre ausgehen, sortir, c'est-à-dire aller à l'extérieur, et herausgehen, ou rausgehen, qui aurait davantage le sens de sortir dehors. Ich werde rausgehen. Oui, raus. On contracte her pour ne garder que le R. Heraus devient raus. C'est ce R qui peut être fixé à aus, ein, über, unter, unter qui signifie dessous. Si on ajoute un R devant unter, on a alors une idée de mouvement qui n'existait pas sans le R. Encore une fois, il y a une différence entre ausgehen, sortir, je vais sortir ce soir, nous allons sortir, et rausgehen, sortir dehors. Ces préfixes avec R sont tellement courants qu'ils peuvent être utilisés tout seuls. Au lieu de gehen Sie raus, sortez, vous pouvez vous contenter de dire raus, ce qui veut dire la même chose que gehen Sie raus. C'est ça. Gehen Sie raus et raus veulent tous deux dire sortez. Tout proche de raus, il y a rauf. Rauf, c'est au-dessus, mais avec une idée de mouvement, comme quand on dit je l'ai placé au-dessus. Par opposition à auf qui signifie sur, sans cette idée de mouvement, comme dans warten auf, littéralement attendre sur quelqu'un. Comment dites-vous je vous attends? Ich warte auf Sie. Ich warte auf Sie. Tout à fait. Et en plus de auf, on a donc rauf. Rauf, au-dessus. Et là au-dessus, c'est darauf. Nous avons aussi vu über, dessus. Et là encore, s'il y a un mouvement, par exemple quand on parle de mettre une chose là-dessus, avec l'idée d'un mouvement, il y a une lettre en plus. Comme pour auf et rauf, c'est donc rüber. Rüber, c'est ça. Donc rüber, c'est über, dessus, mais avec l'idée d'un mouvement.